Mavouba, le jeune international bordelais, intéresserait, dit-on, le club du Real de Madrid. C'est le 1er janvier et donc je vous souhaite quand même une bonne année pour la fin de ce journal. Laetitia Gaillon, on vous retrouve pour le journal de 19h. Il est 13h20 sur France Inter. Tout de suite, la météo avec Jacques Kessler de Météo France. La météo avec Démépool, réseau national de déménageurs pour les entreprises et les particuliers. Journée ensoleillée des Alpes à la Méditerranée, sur les Pyrénées et vers le Pays Basque. Dans le reste du pays, parfois une petite éclaircie, mais dans l'ensemble, beaucoup de ciel gris. En cours d'après-midi, il va se mettre à pleuvoir en Bretagne, Normandie, Somme et Nord-Pas-de-Calais. Renforcement du vent de sud-ouest à 90 km/h sur les côtes du Finistère au Pas-de-Calais, 70 dans l'intérieur. Les températures de l'après-midi seront pour la plupart comprises entre 9 et 14 degrés, jusqu'à 16 en Languedoc-Roussillon, un temps doux pour la saison. Mais il va se rafraîchir demain dans tout le nord et l'ouest du pays, jusqu'au bassin parisien et au centre sous un ciel variable. Nuages éclaircis et averses, vent plus modéré sur les côtes de la Manche. En Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Massif central, Midi-Pyrénées, Gascogne, matinée grise et humide. L'après-midi, des pluies plus éparses, rafraîchissement au cours de la journée, notamment en altitude. La limite entre pluie et neige s'abaissera aux environs de 700 mètres et 1000 mètres sur les Pyrénées. Sur les régions méditerranéennes, soleil parfois un peu voilé, renforcement du Mistral à 90 km/h. À noter la fraîcheur matinale en Corse, il n'est prévu qu'un seul degré à Ajaccio, mais il fera jusqu'à 16 dans l'après-midi. Toutes les prévisions météorologiques, département par département, à la ville, à la mer ou à la montagne, sont disponibles par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. Il est 13h22, nous sommes samedi, c'est donc l'heure de retrouver Patrice Penaud. Rendez-vous avec X. Pour les spécialistes du renseignement, ce sont des illégaux. Des espions qui opèrent à l'étranger sans couverture diplomatique, immergés dans la société où ils vivent. En fait, cette appellation a surtout été utilisée pour désigner les agents du KGB et des services des pays de l'Europe orientale installés clandestinement à l'Ouest. Mais il est évident qu'il existait des illégaux de part et d'autre du rideau de fer, et la fin de la guerre froide n'a certainement pas mis fin à un système qui a fait ses preuves par le passé, surtout à une époque où la question de l'intelligence économique devient de plus en plus cruciale. L'agent illégal dont m'a parlé M. X cette semaine s'appelait Carlo Tuomi. Et aujourd'hui encore, malgré la déclassification d'un certain nombre de dossiers, tant à l'Est qu'à l'Ouest, il demeure une énigme. Qui était-il vraiment? Quelle était sa véritable mission? Était-ce un agent double? Et qui trahissait-il réellement? Les Américains ou les Soviétiques? Ou les deux à la fois? Autant de questions que j'ai posées à M. X, qui à cette occasion donne un coup de projecteur sur la guerre secrète qui opposait l'Est et l'Ouest dans une atmosphère à la John le Carré. Car Tuomi était un espion qui venait vraiment du froid. Je sais que le tabac, c'est mauvais pour la voix. On dit que l'alcool, c'est pas bon pour le foie. Quant au petit pépé, c'est fatal pour le cœur. Les trois à la fois, y'a pourtant rien de meilleur. Cigarette et whisky et petit pépé nous laissent groggy et nous rend tous cinglés. Cigarette et whisky et petit pépé, c'est ça la vie, mais c'est bon de les aimer. J'ai d'abord fumé pour faire comme les copains. J'ai pris une pépé pour faire mon petit malin. J'ai bu dans son verre, elle a bu dans le mien. Puis j'ai bu tout seul quand j'ai eu du chagrin. Cigarette et whisky et petit pépé nous laisse groggy et nous rend tous cinglés. Cigarette et whisky et petit pépé, c'est ça. ça la vie, mais c'est bon de les aimer. Les femmes et le tabac, je l'ai souvent constaté. À peine allumé, ça s'envole en fumée. Mais j'y ai pris goût, vite un whisky, mon gars. Une blonde à mes lèvres et l'autre dans mes bras. Cigarette et whisky et petit pépé nous laissent groggy et nous rendent tous cinglés. Ça va. Cigarette et whisky et petit pépé te laissent groggy et nous font tous crever. France Inter, rendez-vous avec X. Il existe souvent une faille secrète chez les espions. Une faille qui explique pourquoi ils ont un jour basculé dans la clandestinité. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas choisi d'être espions? Oui, c'est souvent à cause de cette faille qu'ils sont recrutés. La faille, une faute Par exemple, oui, ou un vice caché, ou encore un passé compromettant. Et j'ai pensé à cela en compulsant le dossier de Carlo Thiomi. Quelle faute aurait-il donc commise pour se livrer pieds et poings liés au KGB? Et vous avez trouvé? Je crois. Même si la biographie d'un tel homme pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Son nom, par exemple. Thiomi se serait en réalité nommé Rudolf Robertovich Sastamoinen. Mais enfin, continuons à l'appeler Thiomi. Oui, c'est plus court. Hein. Puis c'est un joli nom finlandais. J'ai d'ailleurs découvert qu'un nom très proche, Thiomi, était celui du dieu finnois des morts. Ah oui, alors l'espion qui vient des enfers. Oui, en effet. Mais enfin bon, soyons sérieux. Thiomi, ou celui qu'on appelait ainsi, est né aux États-Unis dans une communauté d'immigrés finlandais. Quand? Pendant la Première Guerre mondiale, ces Finlandais étaient originaires de Karélie, une province frontalière qui a toujours été âprement disputée entre la Russie et la Suède, et qui a longtemps régné sur la Finlande. Ouais, la Suède. Ouais. La Karélie, qui finira d'ailleurs par être avalée par l'URSS. Hein. Après la Seconde Guerre mondiale, oui. Le jeune Thiomi vit avec sa mère et son beau-père, un militant communiste convaincu. Si convaincu même qu'au début des années 30, il part en URSS avec toute sa famille. Et naturellement, Thiomi et les siens vont s'installer dans une partie de la Karélie, déjà annexée par les soviétiques. Ils deviennent citoyens soviétiques? Oui, ils sont naturalisés sans difficulté. Voilà, à l'époque des grandes purges staliniennes, le beau-père du jeune homme est arrêté, et sans doute déporté en Sibérie. En tout cas, on ne le reverra jamais. Donc pour faire vivre sa famille, Carlo Thiomi devient bûcheron. Et lorsque la guerre arrive, il est bien sûr mobilisé dans l'armée rouge. À noter qu'il va se battre contre les Finlandais alliés à l'Allemagne nazie. Donc il va se battre contre les siens. En effet. Mmh. Et là, vraisemblablement, se trouve la faille dont je vous ai parlé. Quoi, trahison? Bon, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais Thiomi est fait prisonnier et recouvre la liberté après la guerre. Staline, vous le savez bien, n'a pas particulièrement été tendre avec les soldats de l'armée rouge qui avaient commis l'erreur de se faire prendre par l'ennemi. Ouais, beaucoup ont été d'ailleurs directement envoyés au Goulag. Oui, c'est exact. Et on les assimilait à des traîtres. Or, Thiomi, lui, passe à travers les mailles du filet. Quelle est votre explication, là? À mon avis, le KGB, qui s'appelait encore MGB, avait déjà des vues sur Thiomi. Parce qu'il était né aux États-Unis? Certainement. Il connaissait donc le pays et parlait anglais. Le KGB lui a alors mis le marché en main, ou bien il acceptait de devenir un agent. Ou alors c'était la Sibérie. Exactement. Voilà. Et Thiomi, comme vous pouvez l'imaginer, n'a pas hésité très longtemps. Je sais qu'il existe une autre version de son recrutement. Quoi? Le jeune homme aurait été compromis dans une histoire de vol, un piège tendu par le KGB, mais ça me paraît moins crédible. Les soviétiques n'avaient pas besoin d'une histoire aussi fumeuse pour obliger Thiomi à travailler pour leur service de renseignement. Politiquement, Thiomi était-il acquis aux idées communistes? Alors ça, franchement, je n'en sais rien. Mais à l'époque, on avait guère le choix, n'est-ce pas? Pour être bien vu, il fallait avoir sa carte du parti dans la poche. Ouais. Très bien. Donc, Thiomi est recruté, hein? Mais pourquoi faire? À terme, c'est probable, les gens du KGB doivent se dire que Thiomi pourrait éventuellement avoir le profil d'un illégal. Mais on n'entre pas comme ça dans l'élite du KGB. L'élite, vraiment? Oui, je n'exagère pas. Dans le renseignement soviétique, ces illégaux formaient une sorte d'aristocratie. De véritables héros traités en tant que tels lorsqu'ils reviennent sur le territoire de l'URSS. On les décore, on accroche leurs photos dans l'immeuble du KGB et ils vivent une retraite confortable. Enfin, tout ça, ça se mérite. Les agents sont testés très longtemps avant qu'on leur permette de faire leurs preuves. C'est-à-dire? On leur demande, par exemple, d'accomplir des petits boulots pour le KGB afin de juger de leur fiabilité idéologique. D'accord, mais ça consiste en quoi, ça, ces petits boulots-là? L'URSS étant un état policier, il s'agit de surveiller les citoyens susceptibles d'être des déviants politiques. Un travail de flic, en somme. Exactement. Et c'est ce que va faire Tuomi à Kirov, une ville située à 1000 km au nord de Moscou. Tout en entreprenant de perfectionner son anglais, il est chargé d'espionner ses camarades universitaires ou ses professeurs. Et de dénoncer ceux qui ne pensent pas correctement, c'est naturellement. Ça, ouais. Je sais, vous allez me dire que c'est ignoble. Mais c'est grâce à ces petites infamies qu'on s'attache les gens. Quand on a commencé, il est difficile de s'arrêter ou de refuser de continuer. Et les hommes du KGB étaient passés maîtres en ce domaine très particulier. Une parenthèse en passant. À Kirov, Tuomi a rencontré une certaine Nina. Il s'est marié. Ils auront 3 enfants. Il a été autorisé à se marier. Évidemment. Et c'est important. Un agent marié, appelé à travailler à l'étranger, garde ainsi un fil à la patte. Oui, sa famille. Bien entendu. Car la crainte fondamentale des soviétiques, c'est que l'agent séduit par le mode de vie occidental ne finisse par faire défection. Quoi qu'il en soit, Tuomi, garçon agréable, intelligent et doué d'une excellente mémoire, donne satisfaction à ses employeurs. Tant et si bien que le KGB lui accorde une promotion. Il est nommé assistant à la faculté d'anglais, ce qui veut dire des conditions de vie plus favorables. En même temps, il commence sa formation d'illégal. Une sorte d'entraînement au métier d'espion, c'est ça. Ouais. Et il y a des techniques à apprendre, mais nous en avons souvent parlé. Les systèmes de boîtes à lettres mortes, les filatures et les moyens de les déjouer, le cryptage des messages, les écritures invisibles, etc. Mais l'essentiel, c'est la construction de la légende du futur illégal. C'est-à-dire sa fausse vie. Oui, l'attribution d'un nouveau nom, d'une nouvelle biographie crédible. En l'occurrence, pour Tuomi, il fallait tout inventer. Et surtout, combler le vide de toutes les années qu'il venait de passer en URSS. Les soviétiques, mais aussi les autres services de l'Est, recherchaient, par exemple, les entreprises qui avaient fait faillite et dont les archives avaient disparu. Ils repéraient aussi les immeubles détruits ou, en Europe, les villes dont les mairies bombardées avaient perdu leur registre d'état civil. Mais ça ne suffisait pas encore. Quoi d'autre? Il fallait aussi que, outre une parfaite connaissance de la langue du pays où il allait être envoyé, le futur illégal soit complètement immergé dans la vie locale. Traditions, coutumes, habillements, cuisine, littérature, religion. Et pour ce faire, le KGB disposait de véritables professeurs qui, souvent, avaient eux-mêmes passé de longues années à l'étranger. Il était aussi prévu des projections de films afin que l'agent se familiarise avec la vie de son futur pays d'adoption. Et cette formation, alors, durait combien de temps? Au minimum 3 ans. Ah, c'est long, hein, très long. Oui, c'est très cher. Ça donnait donc une grande valeur à l'homme qu'on allait projeter dans l'inconnu. Ouais, un véritable placement, au fond. Qu'il fallait le sauvegarder à tout prix. Ouais. Mais quand l'illégal était-il informé de la mission qu'on allait lui confier? Assez rapidement. La première mission d'un illégal, c'est bien sûr de passer inaperçu. Oui, s'intégrer. Tout à fait. Il lui est donc recommandé de se faire le maximum de relations, de fréquenter les églises, les clubs, afin de repérer les gens susceptibles de lui apporter des informations utiles pour l'URSS. Des gens avec lesquels il va peu à peu sympathiser et qui pourraient même aider s'ils sont en difficulté. Des difficultés de quel ordre? Des problèmes d'argent, par exemple. Il se proposera de les dépanner en leur prêtant de l'argent. Ensuite seulement, s'il donnait satisfaction, il pourrait devenir l'officier traitant d'agent déjà recruté. Ouais. Et les femmes, vous faites? Il n'était pas interdit à un illégal d'avoir des liaisons, surtout si elles lui permettaient d'obtenir des informations. Et il était prescrit de ne choisir que des femmes adultes et indépendantes. Surtout, il fallait éviter tout sentiment. Ah oui, pas s'attacher, quoi. Mmh. Alors, au cours de cette longue formation-là, est-ce que Tuomi donne satisfaction à ses maîtres? Ah, tout à fait. Mais il n'ira pourtant pas jusqu'au bout. Mais pourquoi alors? Parce qu'il lui faut partir en Occident plus tôt que prévu. Il y a même urgence. I don't know why, but I'm feeling so I long to try something I've never had. Never had no lovin', never had no kissin' the man. Oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love. someday we'll meet, and you dry all my tears, and whisper sweet little things in my ear, a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing, love man, oh, where can you be? France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans leur livre sur l'histoire de l'espionnage mondial, Genoveffa Étienne et Claude Moniquet évoquent la formation d'un illégal soviétique. Je les cite. Sa formation dure donc des années et se déroule en dehors des structures normales du KGB. L'illégal, recruté en général dès ses études, ne fréquentera jamais, par exemple, l'Académie du renseignement pour qu'aucun défecteur potentiel n'ait la possibilité de l'identifier. Il suit donc des cours individuels dispensés dans des appartements appartenant secrètement au KGB, cours entrecoupés de fréquents séjours à l'étranger destinés à renforcer la légende et acclimater peu à peu l'agent à son futur environnement. L'illégal s'installera ensuite dans le pays cible qui lui est attribué et devra rester en poste durant des années, voire des décennies. Il doit alors se construire une vie réelle et n'a de contacts ouverts avec aucune structure soviétique. En fait, il doit chasser de son esprit le fait même qu'il est soviétique. Certains illégaux, du reste, ne le sont pas. Exceptionnellement, le KGB pouvait choisir de recruter un agent étranger particulièrement doué pour ce type de travail. Ses objectifs sont généralement liés au service de renseignement ou à l'appareil d'État du pays où il œuvre. Objectif qu'il réalisera lui-même ou par le biais d'agents qu'il manipule. Il dépend de la direction S du KGB et peut compter pour ses liaisons sur l'appui logistique et technique et son financement sur des officiers spécialement affectés aux résidences et appartenant à la ligne N, soutien aux illégaux. Alors quelle est cette urgence là qui l'oblige à précipiter son départ ? Au milieu des années 50, les services soviétiques ont connu de gros déboires aux États-Unis. Rappelez-vous, nous en avons parlé un jour. L'un de leurs meilleurs illégaux, l'homme qui a sans doute dirigé ceux que l'on a appelés les espions atomiques. Et qui ont permis à l'URSS de construire sa première bomba dès 1949. Oui, donc cet homme, Rudolf Abel, Fischer, de son vrai nom, est victime d'une trahison. Et est-ce une coïncidence ou pas, l'homme qui l'a trahi, un certain Hannen, était d'origine finlandaise. Ah oui, comme Tuomi donc. Et ses parents, comme les parents de Tuomi, auraient quitté les États-Unis pour venir vivre dans la nouvelle Russie révolutionnaire. Mmh. Alors si c'est plus qu'une coïncidence, qu'est-ce que ça pourrait signifier ? Bah d'abord, il faut remarquer que le KGB semblait avoir une prédilection pour les agents d'origine finnoise. Ensuite, il n'est pas exclu que, le sachant, les autorités états-uniennes se soient intéressées particulièrement aux Finlandais venus s'installer chez eux dans ces années-là. Des Finlandais susceptibles d'être des agents soviétiques ? Ben voilà. Toutefois, c'est une pure supposition. Et pour être tout à fait honnête, je dois dire que les profils de Tuomi et de Vic, c'était le nom de code de Ehan, étaient complètement différents. Autant ce dernier était un fêtard porté sur la boisson et les aventures féminines, autant Tuomi était sobre et menait une vie rangée, mais enfin passons. Donc revenons à ce que vous disiez. Après cet important revers, l'arrestation d'Abel et les mesures de sécurité prises, j'imagine, pour mettre à l'abri les autres membres du réseau, Le KGB doit donc complètement reconstruire son édifice, là. Ah oui, d'autant plus que le groupe Abel était le plus important des réseaux soviétiques en Occident. Le plus efficace aussi. Et sans cette trahison, Rudolf Abel n'aurait jamais dû être démasqué. Car il y avait déjà de longues années qu'il était installé outre-Atlantique sans avoir le moins du monde attiré l'attention du contre-espionnage américain. C'est donc pourquoi Tuomi, enfin il n'a pas dû être le seul illégal à être envoyé aux États-Unis à cette époque, a reçu l'ordre de partir en toute hâte. Mais n'était-ce pas dangereux puisqu'on avait dit qu'il n'avait pas terminé sa formation d'illégal? Il y avait effectivement un risque. Cependant, sa légende était déjà prête. Et puis, il avait sa connaissance des États-Unis, même s'il en était parti à l'âge de l'adolescence. Alors, sa légende-là? Pour coller au plus près avec la réalité du personnage et donc éviter d'éventuelles gaffes, Tuomi est censé être un citoyen finlandais naturalisé américain. Ça colle d'ailleurs avec son physique de grand blond baraqué. Toujours selon sa légende, il est né dans le Michigan, là où il a effectivement vécu lorsqu'il était adolescent. Et son nom? Eh bien, même si ça peut paraître assez étonnant, on décide que le plus simple est de lui laisser le nom sous lequel il est connu en URSS, Carlo Tuomi. Oui, vous m'avez dit au début de cet entretien que ce n'était peut-être pas son vrai nom. Oui, et ce patronyme typiquement finlandais, Tuomi, a peut-être été purement et simplement créé par le KGB dès que le jeune homme a été recruté. Mais désolé, je n'en sais pas plus. Ouais, bien modeste pour une fois. Et professionnellement, quelle légende lui a-t-on confectionné? Tenant compte de son expérience du travail du bois, il lui a été attribué des emplois successifs dans des entreprises de menuiserie et de scierie, avec de faux certificats de travail établis en bonne et due forme. Et puis ce self-made man, abandonnant le bois, a étudié la comptabilité. Et maintenant, il est à la recherche d'un travail. Ah, tout a donc été minutieusement étudié. Oui, on lui a même inventé une famille. Une grand-mère morte depuis longtemps et une épouse dont il s'est séparé. Ouais. Une femme qui a réellement existé? Ah, tout à fait. Une femme originaire comme lui du Michigan qui était partie pour se marier et n'avait plus jamais donné de ses nouvelles. Enfin, dernière précaution avant de le lâcher dans la nature, c'est mettre le fond voyager 2 mois durant en Europe occidentale. Pour le préparer à vivre dans le monde capitaliste. Exactement. Et pendant quelques semaines, muni de papiers au nom de Robert White, il joue à la perfection son rôle de touriste américain. Surveillé discrètement par des sbires du KGB? Forcément. Ce voyage d'agrément, c'était aussi une sorte de test qu'on lui faisait passer. Il s'en est bien sorti? Très bien, oui. Il a visité plusieurs pays européens, dont la France. Et au cours de chacun de ses déplacements, il a soigneusement vérifié qu'il n'était pas filé et il a peaufiné sa fausse identité en passant les frontières. Puis il est revenu en URSS? Oui, le temps de faire un rapport à ses chefs et d'embrasser ses enfants et sa femme. Puis c'est le grand départ. Pour les États-Unis? Pas directement. Après une escale à Paris, puis à Bruxelles, Tuomi prend un avion pour Montréal. On est à quelle date à ce moment-là? Fin 1958. Et au fait, pourquoi ne pas prendre directement un vol pour les États-Unis? Pour multiplier les détours et couper éventuellement une filature. Mais enfin, arrivé au Canada, Tuomi monte dans un train à destination de Chicago. Et il passe la frontière sans difficulté. Les douaniers lui semblent excessivement amicaux. Un jeune homme ivre profite même de ce contrôle pour lui proposer de partager son bourbon. Tuomi refuse. Mais il respire mieux. Son séjour aux États-Unis commence très bien. Quel luxe de précaution quand même. En effet. Mais ce n'est pas fini. Après une courte halte à New York, sa destination finale, où il repère les boîtes à lettres mortes destinées à lui permettre de communiquer avec Moscou, il reprend le train. Dans quel but, là? Visiter les États où il est censé avoir vécu et travaillé. Mais toujours pour parfaire sa légende. Oui, et Tuomi, consciencieusement, fait cette tournée sur les lieux de son prétendu passé. Toutefois, il déchante bientôt. Dans une rue de Milwaukee, deux hommes l'interpellent. Et l'un d'eux l'appelle même par son nom. Tuomi? Oui. Quant au deuxième homme, ce n'est autre que le jeune ivrogne qui lui a proposé du bourbon dans le train entre le Canada et Chicago. Tuomi comprend immédiatement qu'il a été suivi depuis ce moment. Eh bien sûr. Ouais. Alors tout est fichu? Pas encore. Tuomi essaye de surmonter sa panique et s'accroche à sa seule bouée de sauvetage, sa légende. C'est ce qu'on lui a appris au KGB. Et ces deux hommes? Ils ne tentent pas à se présenter, ce sont des agents du FBI. Ouais. Donc des policiers fédéraux qui ont aussi pour mission de traquer les espions opérant sur le territoire des États-Unis. Ça signifie que Tuomi, à peine arrivé en Amérique du Nord, a été repéré. C'est évident. Alors que s'est-il passé à votre avis? La première idée qui vient à l'esprit, c'est que dès qu'il a passé la frontière, Tuomi a attiré l'attention du FBI. Oui, d'accord, mais pourquoi? Les policiers fédéraux savaient très bien que la plupart des agents soviétiques qui tentaient de pénétrer aux États-Unis passait généralement par le Canada. puis d'autre part, il y avait les origines finnoises de Tuomi. Mais la Finlande qui partage une frontière avec l'URSS. Et donc une partie du territoire a été annexée par Moscou. Ouais, alors quoi, un vivier d'espions. Oui, puis il y avait eu le précédent de cet agent d'origine finnoise. Celui qui a dénoncé Rudolf Abel. Oui, donc par conséquent, en pleine période de guerre froide, l'FBI pouvait légitimement surveiller de près les Finlandais, même naturalisés américains qui passaient donc la frontière canadienne. D'autant que, filé, Tuomi s'est sans doute trahi en repérant les boîtes à lettres mortes de New York. Mais il y avait aussi une autre explication. Ah, mais je vous écoute, là. Pourquoi le scénario n'aurait-il pas été écrit à l'avance? Que voulez-vous dire, là? Simplement que l'interpellation de Tuomi avait été prévue. Rendez-vous avec X. Revenons un instant à cette question des illégaux. D'après Christopher Andrew, auteur de deux livres de référence sur le KGB parus chez Fayard, dans les années 50, le KGB éprouve de plus en plus de difficultés à recruter des illégaux. Voici son explication. L'époque des grands illégaux cosmopolites avec le panache d'un Deutsch ou d'un Mali, capables d'insuffler à leurs camarades leur foi en l'avenir radieux du système soviétique, est révolue à tout jamais. Prendre en charge des citoyens soviétiques élevés selon les principes autoritaires, intellectuellement bornés, de l'économie dirigée stalinienne et tâcher de les transformer en individus à même de se muer en occidentaux, parfaitement à leur aise aux États-Unis, est une entreprise aussi laborieuse que décourageante. Dénicher des agents américains de bon niveau et idéologiquement engagés est nettement plus difficile aussi pendant la guerre froide que dans les années 30 ou pendant la guerre. L'URSS a perdu beaucoup de son attrait, y compris chez les jeunes intellectuels de gauche, écœurés par le matérialisme et les injustices de la société américaine. Ironie de l'histoire, alors que la campagne d'autopromotion de McCarthy contre le péril rouge bat son plein, jamais le gouvernement américain n'a été en bientôt 30 ans aussi peu perméable aux renseignements soviétiques. Mais selon vous, alors, qui avait prévu que Tuomi serait rapidement arrêté? Ces chefs soviétiques, évidemment. Peut-être même ont-ils fait parvenir indirectement un tuyau au FBI. Ouais, j'avoue, je comprends pas, là. Voilà un agent qui a été entraîné, formé pendant des années, pour lequel on a construit une légende extrêmement précise et subtile. Et à peine arrivé aux États-Unis, on se débrouillerait pour qu'il soit pincé. C'est absurde. Ah, pas tant que ça. Mais un peu de patience. Et voyons les faits tels qu'ils figurent, en tout cas, dans le dossier du FBI. Vous insinuez que ce dossier ne reflète pas forcément la vérité. Oh, n'allons pas trop vite. Donc, je vous l'ai dit, Tuomi commence d'abord par s'accrocher à sa légende, telle qu'elle a été construite par le KGB. Donc il nie être un agent soviétique. Oui. Ouais. Et ça tient, ça? Pendant un moment, oui. Mais les questions des agents fédéraux sont de plus en plus précises et donc forcément de plus en plus embarrassantes. Vous avez un exemple? Ben, il est en particulier coincé lorsqu'on lui demande le numéro de la ligne d'autobus qu'il prenait régulièrement pour se rendre à l'un de ses derniers emplois fictifs à New York. Ouais. Il peut pas répondre. C'est ça, oui. C'est la première faille. Oui, enfin, il y en aura d'autres. Tuomi est estomaqué lorsque les hommes du FBI lui mettent sous le nez une photo de son beau-père, prise juste avant le départ de la famille de Tuomi pour l'URSS. Le beau-père communiste, là. Et petit à petit, la légende se fissure. Pressé par les questions, Tuomi est contraint d'inventer pour boucher les trous. Et ce faisant, il risque de plus en plus de se couper. Et évidemment. En tout cas, ça signifie que sa légende n'était pas aussi parfaite qu'il y paraissait. Hein. En effet. Mais ce n'est peut-être pas innocent. Ça aussi, c'était prévu. Enfin, je le pense. Il fallait que Tuomi finisse par être confondu. Et qu'il reconnaisse donc qu'il était un agent soviétique, un illégal. Oui, et c'est ce qui arrive. Et les agents fédéraux lui proposent l'alternative suivante. Ou bien vous acceptez de collaborer avec nous. Et donc de devenir un agent double. Et ou bien nous vous renvoyons en URSS. Et là, vous savez parfaitement ce qui vous attend. Comme vos supérieurs refuseront d'assumer l'échec de votre mission, c'est vous qui paierez le prix fort. Ouais. Réaction de Tuomi, alors. Ah ben, il refuse avec la plus grande énergie de travailler pour l'FBI contre sa patrie. D'abord, parce qu'il affirme être un marxiste convaincu. Et puis ensuite, parce qu'il est persuadé que dans la compétition économique et politique engagée entre l'Ouest et l'Est, c'est ce dernier camp qui finira par l'emporter. Mais c'est crédible, ça. Objectivement, non. Mais Tuomi récite son catéchisme à la perfection. Ouais, il joue un rôle, quoi. C'est presque certain, car, comprenez-vous, il doit convaincre les Américains qu'il est vraiment un agent soviétique sincère qui a subi des années et des années d'endoctrinement. Alors, je reviens au dossier du FBI. Les agents fédéraux veulent aboutir. Ils doivent donc trouver les meilleurs arguments pour persuader Tuomi de collaborer avec eux. Et l'un, en particulier, fait mouche. Quoi ? Ils disent à Tuomi que le KGB doit déjà s'inquiéter de sa disparition. Le fait, par exemple, qu'il n'ait pas relevé ses boîtes à lettres mortes, ou qu'il n'ait pas lui-même signalé sa présence ou demandé des directives. Les Soviétiques vont donc envoyer des agents à sa recherche. Et s'ils apprennent qu'il est passé par les mains du FBI, Tuomi risque très gros. Quoi, la mort Oui, ou l'enlèvement et le retour forcé en URSS. Ah ouais. Alors la seule solution pour s'en sortir, c'est donc de travailler pour l'FBI. Ah oui, et toujours d'après ce dossier, c'est l'argument qui a fait craquer Tuomi. Il accepte enfin de devenir un agent double. Et donc, si je vous ai bien compris, parce que c'est un peu compliqué, hein, c'est le résultat auquel voulait parvenir Tuomi. Et ses employeurs soviétiques. Ouais. Parce qu'un agent double, comme son nom l'indique, ça peut travailler dans les deux sens. Et Tuomi, qui va jouir désormais de la confiance des Américains, tant il a tenu parfaitement son rôle jusqu'au bout, pourra à l'avenir devenir aussi un précieux informateur du KGB sur les activités du FBI, et en particulier sur ses menées antisoviétiques. De la même façon, il pourra éventuellement intoxiquer ses nouveaux amis américains. Ouais, sur ordre de Moscou. Bah, bien entendu. Ça me semble en effet ça logique, mais est-ce une simple construction intellectuelle ou est-ce que vous disposez de preuves là pour étayer cette audacieuse hypothèse ? Je vous ai souvent dit que dans les affaires d'espionnage, on pouvait difficilement faire état de preuves. Seulement d'intuition étayée sur quelques faits. Alors, dans ce cas précis, là. Bah, si vous voulez encore être patient quelques instants. Vous savez très bien que je ne peux pas vous refuser ce petit plaisir. Bon, bien. Donc, avec l'accord du FBI, Tuomi a recommencé à communiquer avec le KGB. Mais toujours grâce à ce système-là de boîtes à lettres mortes. Quoi. Oui, il en existait 4 à New York, dont une dans un conteneur sous un pont de chemin de fer, dans la 69e rue, je crois. Et comment procédait-il, alors ? Oh, très simplement. Il posait son message écrit à l'encre sympathique à l'intérieur d'un journal et à l'aide d'un signe convenu, un trait de craie sur un mur voisin par exemple, il indiquait que la boîte était pleine. Et il procédait de la même façon pour récupérer son propre courrier. Oui. Ouais. Est-ce qu'il était surveillé par les Américains lorsqu'il procédait à cette insolite besogne de facteurs ? Ah non, il ne voulait pas courir le risque d'être repéré par d'éventuels guetteurs soviétiques. Encore que, hein, puisqu'à Moscou, on savait très bien à quoi s'en tenir, si je vous ai bien écouté. Et en outre, les Américains faisaient maintenant entière confiance à Tuomi, qui ne manquait jamais de leur remettre aussitôt les messages qu'il recevait. Des messages grâce auxquels Moscou pouvait donc abuser le FBI. Ben, c'est en effet ce que je pense, oui. Et de la même façon, les Américains essayaient d'intoxiquer les services soviétiques. Ouais, mais en vain, puisque c'était eux, enfin les Soviétiques, qui menaient le jeu. Absolument. Ouais. N'y avait-il toutefois pas un risque que Tuomi prenne sa liberté ? Et choisisse un jour le camp américain. C'est bien ce que vous voulez dire. Ben, oui. Oui, après tout, cet illégal était bien traité par le FBI, et puis le seul fait de comparer la vie aux États-Unis avec celle qu'il avait connue en URSS, hein. C'est vrai, le risque était réel. Il existe d'ailleurs pour tous les agents qui sont envoyés à l'étranger, surtout pour les agents de l'Est à cette époque-là. Si les premiers espions soviétiques avaient eu le sentiment de se battre pour la révolution, la vocation idéologique des agents de l'ère post-stalinienne n'était plus aussi évidente. Ça explique le nombre important de transfuges soviétiques dans ces années-là. Alors, Tommy, lui, a-t-il été tenté ? Certainement. Mais il a longtemps hésité, essentiellement à cause de sa famille restée en URSS. Oui. Mais il a fini par sauter le pas ? Ben, j'en suis à peu près sûr. Sans doute dans les années 70. Et il s'est évanoui dans la nature. Sans doute pourvu d'une nouvelle identité par le FBI. Peut-être a-t-il même subi une opération de chirurgie esthétique. Et pourtant, très curieusement, Tuomi n'a figuré que très tardivement sur la liste du KGB recensant les défecteurs. Des hommes que les agents soviétiques un peu partout dans le monde devaient rechercher. Mm-hmm. Pourquoi alors tardivement sur la liste là? À mon avis, lorsque Tuomi a disparu, Moscou a mis du temps à comprendre qu'il s'agissait d'une trahison et que leur illégal leur avait échappé à tout jamais. Mmh. Alors, un peu plus tôt, hein, pas si longtemps, vous avez dit que vous m'apporteriez sinon des preuves, mais au moins des faits capables de conforter votre thèse. Parfaitement. Et il faut s'arrêter un instant sur l'année 1962. C'est l'année de la crise des missiles de Cuba. Ah, vous ne croyez pas si bien dire. En 1962, juste avant cette crise où le monde a frôlé la catastrophe, un important espion occidental infiltré au sein même du KGB a été arrêté. Oui, c'est Penkovsky, c'est oui, ça, oui. Oui. Oui. Je me souviens que nous avons évoqué ici même cette affaire. Penkovsky, donc, c'est en tout cas ma conviction, avait été démasqué quelque temps avant la crise des missiles. Mais avant de le fusiller, les soviétiques se sont servis de lui pour mener une considérable opération de désinformation. Rappelez-moi de quoi il s'agissait, là. Moscou connaissait alors de grosses difficultés. Non seulement sur le plan de la politique intérieure, où Khrouchtchev était de plus en plus menacé par ses bons camarades du Politburo, mais aussi dans le domaine militaire. Il était effusé, hein, c'est ça. Ah oui, les Soviétiques disposaient de beaucoup moins de missiles balistiques qu'ils le prétendaient. Cela signifiait que l'équilibre de la terreur risquait d'être rompu en leur défaveur si on l'apprenait en Occident. Penkovsky, dans son dernier message à son officier traitant américain, a donc été chargé d'intoxiquer les Américains sur les réelles capacités militaires de Moscou. Et dans ce message, il a sans doute aussi alerté les États-Unis sur les intentions des Soviétiques à Cuba. Mmh. Ah oui, parce que si les Soviétiques installaient des fusées à Cuba, ça signifiait qu'ils étaient surarmés et pouvaient soustraire ces missiles de leur stock. Exactement. Mmh. Mais alors, Tuomi dans tout ça? Il a lui aussi participé à cette manipulation. Il l'a d'ailleurs reconnu beaucoup plus tard. Et ce n'est certainement pas par hasard s'il a rencontré à New York Alexei Ivanovitch Galkin, son ancien professeur et maître au KGB, un mois seulement avant la crise des fusées. John Barron, un journaliste et écrivain américain, s'inscrit en faux contre cette hypothèse dans un livre intitulé « KGB » publié en 1975. Pour lui, Tuomi a réellement changé de camp grâce à l'habileté des agents du FBI et il conclut ainsi. Après avoir pris sa décision, Tuomi disparut en Amérique. Depuis tant d'années, il s'est organisé une vie normale. Bien qu'il n'ait jamais gagné beaucoup d'argent, il possède une maison confortable et l'essentiel du confort matériel que peuvent offrir les États-Unis. Mais son bien-être a pour cause principale un sentiment de liberté matériel et spirituel. Il possède 16 hectares de bois isolé où il peut chasser et se promener pendant des heures à son gré. Lui, qui a coupé tant d'arbres dans sa jeunesse, il prend maintenant plaisir à les planter et les faire pousser. Dans son entourage, il est connu comme un républicain modéré qui va de temps en temps à l'église. La respectabilité fait homme. Grâce à ce sourire et à ses manières affables qui l'avaient si bien servi à Moscou, chez Tiffany et dans certains milieux new-yorkais, il a réussi à se faire de bons amis dans sa nouvelle existence. Mais, quelles que soient ses qualités d'espion, certains points de son histoire restent encore obscurs pour Tuomi. Comment le FBI a-t-il appris son arrivée aux États-Unis? Comment a-t-il connu son identité? Tuomi n'a jamais su la réponse, le KGB non plus, semble-t-il. Sauf, bien sûr, si on ajoute foi à l'explication de Monsieur X. Bonne année à tous, à samedi prochain. Et je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Je vous signale aussi que bientôt, des CD, Rendez-vous avec X, coédité par Radio France, seront en vente. D'ici quelques minutes, Denis Chessou vous attend de pied ferme avec ses chroniqueurs et ses invités pour CO2 Mon Amour. Très très bon week-end sur France Inter au quatrième top. Il est 14h et le journal vous est présenté par Michel Khalifa. L'aide internationale continue à arriver en Asie du Sud moins d'une semaine après les raz de marée. 1500 soldats américains doivent prendre position dans les jours qui viennent au Sri Lanka pour porter main forte au secours. Sur le plan financier, les pays donateurs se réuniront le 11 janvier à Genève sous l'égide de l'ONU. À l'ordre du jour, il y aura la préparation de la reconstruction des pays sinistrés. Aujourd'hui, l'aide financière a dépassé le milliard de dollars, l'équivalent de 130 millions d'euros. Le Japon indique cet après-midi qu'il donnera 500 millions de dollars supplémentaires pour venir en aide aux victimes. Le séisme à l'origine du tsunami avait eu lieu au large de l'île indonésienne de Sumatra. Ce matin, c'est encore là que se sont produits plusieurs tremblements de terre, des répliques au séisme principal. La secousse la plus élevée a été mesurée à 6,5 sur l'échelle de Richter. Elle n'a pas fait de blessés ni de victimes. Le bilan de cette catastrophe devrait atteindre les 150 000 morts. L'île de Sumatra est la plus touchée. On y dénombre 80 000 victimes dans l'immédiat. Aux conditions de vie déjà